قال الشيخ الفاضل عبد المحسن العباد البدر ثانيا ولادته ونشأته. Deuxièmement, le Cheikh Abd al-Muhsin va évoquer la naissance de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen ainsi que des passages de son enfance. قال حفظه الله ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان من سنة 1347 في مدينة عنيزة. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, il est né durant la nuit, la 27e nuit de Ramadan. Il est né durant la 27e nuit de Ramadan, de l'année 1347, de l'année égyrienne 1347. C'est il y a combien de temps, Yahya Khan ? Nahnou, on est en quelle année ? 1440. Yani, قبل ما يقارب 90 سنة. Donc sa naissance là, elle a eu lieu il y a environ 93 ans. 93 ans. Et le fait qu'il soit né la 27e nuit de Ramadan, la yadullu yani ala shay min al-khususiyya. الولادة في رمضان لا يدل على شيء من الخصوصية ولا من الفضائل. Le fait d'être né pendant Ramadan, la naissance d'un enfant pendant Ramadan ou durant les 10 dernières nuits de Ramadan, ça ne veut pas forcément dire ou signifier une chose particulière comme bienfait ou autre. Là. وإلا لولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر تمام لكن بلا شك أن المولود إذا ولد في مثل هذه الأيام فهي أرجى له بدعاء الصالحين له لا سيما و إذا ولد في ليلة مباركة يكثر فيها المصلين المصلون والمؤمنون الدعاء فلعل الله أكرم هذا الشيخ بشيء من ذلك عند ولادته. قال وتعلم القراءة والكتابة في الكتاب وتعلم القرآن على جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان آل داموخ أو آل داميخ. هي أسرة كبيرة معروفة هناك بالعلم آل داميخ. كثير من المشايخ يرجعون إلى هذه القبيلة il a étudié, il a appris à lire et à écrire et il a appris le Coran Il a appris le Coran avec son grand-père, du côté de sa mère. Il a appris le Coran avec son grand-père, du côté de sa mère. Son grand-père s'appelait Abdurrahman ibn Suleyman al-Damour, ou Damir. فحفظ القرآن وتتلمذ على الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. Une fois qu'il a appris le Coran, le voilà qui étudie chez le noble savant, l'érudit, l'imam en ce qui concerne les sciences du tafsir et autres, tafsir du Coran, l'imam عبد الرحمن بن ناصر السعدي وهو أكبر من استفاد الشيخ العثيمين من العلماء وأعظم من جالسه شيخ سعدي c'est le شيخ que شيخ العثيمين a le plus fréquenté et c'est celui dont il a été le plus impacté حتى في حركاته وفي كلامه فيما ذكر عنه. Même dans sa gestuelle, la façon de gesticuler du shir a impacté Shir al-Uthaymeen. Et le voilà qui, pareil, reproduit les mêmes gestes. Hatta fil kalam. Ta'athara bihi ta'athuran aziman. نعم. ولما فتح معهد الرياض العلمي استأذن شيخه عبد الرحمن بن سعدي أو عبد الرحمن بن ناصر السعدي في الالتحاق به. Et lorsque ils ont ouvert l'école scientifique de Riyad, Cheikh Mohamed ibn Saleh al-Uthaymeen a demandé la permission à son cheikh عبد الرحمن Al-Sa'di, de pouvoir partir étudier dans cette nouvelle école qui vient d'ouvrir à Riyad. وهذا أدب أدب جم ينبغي لكل من طلب العلم عند أحد من أهل العلم أن يتخلق به وأن الاستئذان عند الذهاب أمر مطلوب كالاستئذان عند الاتيان. وهذا من باب قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها فتأتي البيوت من أبوابها أي تستأذن وتخرج منها من أبوابها كذلك بالاستئذان. فإذا طلبت العلم عند عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ أو داعيا من الدعاة فمن الأحسن إذا ذهبت وغيبت عنه لأجل الالتحاق بمن هو أفضل منه أو في مساواة تستأذن منه. Donc le fait de demander la permission à son cheikh ou la personne chez qui on étudie afin de le quitter pour aller vers une autre personne plus savante ou du même niveau, ça c'est un noble comportement que tout talib al-ilm se doit d'avoir. D'ailleurs, il y a une qissa hasalat baina l'imam Malik wa l'imam Shafi'i. Ata'rifunahu ou ta'rifunaha? Ha? Aywa hat alladhi 'indak. نعم. نعم. نعم. أحسنت يا حبيبي. الإمام الشافعي وهو أكبر تلاميذ الإمام مالك رأس وإمام مذهب كان يدرس ويتتلمذ على إمام دار الهجرة الإمام مالك. فكما تعلمون في تلك الأيام والعصور كان العلم ظاهرا والعلماء منتشرين في جميع الأماكن، فكانوا سلفنا رضوان الله عليهم يكثرون من المشايخ، حتى تجد أن الإمام البخاري يذكر عنه أنه لقي أكثر من 1000 شيخا، أكثر من 1000 شيخا. فالإمام الشافعي أراد أن يلتحق ببعض المشايخ الآخرين، فارتحل بدون أن يستأذن من شيخه الإمام مالك، فانتقده في ذلك إمامه وشيخه الإمام مالك. لذلك الإمام الشافعي il a voulu un jour étudier chez ou prendre la science d'autres personnes que son cheikh, l'imam Malik. Et lorsque il a pris la décision, il est parti sans demander la permission de son cheikh. Tamam. Et lorsqu'il est revenu auprès de son cheikh, auprès de l'imam Malik, alors l'imam Malik lui a reproché cela et lui a fait des remontrances. Naam. Donc ça fait partie du comportement, comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'indique. Venez aux gens par leur porte, par la porte. Hein? Venez aux demeures, rentrez dans vos demeures par les portes. Et lorsque tu rentres chez l'alim, lorsque tu rentres chez le savant ou dans son assise, tu rentres par sa porte, c'est-à-dire par la demande de permission. Et tu en ressors par la même porte. C'est-à-dire la demande de permission. Donc il a demandé la permission chez Al-Uthaymeen à Cheikh Saadi pour pouvoir aller dans l'école qui venait d'ouvrir à Riyad. فَدَرَسَ فِيهِ وَكَانَتْ مُدَّةُ الدِّرَاسَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بَعْدَ الْابْتِدَاءِ وَقَبْلَ الْكُلِّيَةِ 4 سَنَوَاتِ. طيب. Donc, il est parti étudier dans cette école. Et le programme scolaire de l'époque, c'est-à-dire après la primaire et avant la faculté, cette période-là, elle était de 4 ans seulement. Elle comprenait 4 années. ودخل في السنة الثانية. Et lui, il est rentré dans la deuxième année. وكان في ذلك الوقت نظام القذف القفص. نعم. Et à l'époque, il y avait un programme qui te permettait de sauter des classes. القفص. وهو أن من يكون عنده استعداد للتقدم في الدراسة فإنه تتاح له الفرصة في العطلة الصيفية أن يدرس أو أن يدرس مقررات السنة التي بعد سنته التي انتهى منها. Donc il était possible pour quelqu'un, un étudiant de l'époque, qui lorsqu'il avait fini son année, il étudie durant les vacances d'été, il étudie le programme de l'année prochaine. Il étudie le programme de l'année prochaine. Et ensuite, lorsqu'il il finit les vacances, il est interrogé sur le programme, normalement, qu'il aurait dû voir l'année suivante. Et s'il réussit, il a le droit de passer à l'année d'après. Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, il est arrivé en deuxième année. On dit l'année, elle s'est terminée. Les vacances d'été, elles sont là. Lui, pendant les vacances d'été, qu'est-ce qu'il fait? Il voit le programme, il étudie le programme de l'année d'après. Tamam. En sortant de ces vacances, il y a l'examen. Il réussit l'examen, Donc après l'année prochaine, il se retrouve dans quelle classe, il y a quoi ? En quatrième année. مفهوم؟ نعم. وإذا جاء الدور الثاني اختبر في مواد تلك السنة فينتقل منها إلى السنة الأخرى. وكان رحمة الله عليه درس في سنة الثانية وفي الصيف درس مقررات السنة الثالثة وانتقل منها إلى السنة الرابعة. وبعد انتهائه منها فتح المعهد العلمي بعنيزة. Une fois qu'il a terminé sa quatrième année, voilà qu'au même moment s'ouvre une autre école dans sa ville natale. S'ouvre une autre école scientifique dans sa ville natale de Unayza. Fi sana 1374. Durant l'année 1374. Ça veut dire là, quand elle a ouvert cette école dans sa ville natale, c'est Unayza, le cheikh il a quel âge ? Hassan. Le cheikh il a 27 ans. Le cheikh il a 27 ans. Wasara yadrus ala cheikhihi. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ويقوم بالتدريس ويقوم ايش بالتدريس. Donc là il retourne dans sa ville natale. Donc il retrouve son cheikh, l'un de ses premiers chouyoukh qui est cheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي, dans cette école qui vient d'ouvrir. Tamam. Donc il continue à étudier auprès de lui et en même temps il ouvre des cours hier, quoi. En même temps il commence à enseigner. ولهذا هذه نصيحة أن الذي طلب العلم قل أم كثر إذا رجع إلى قومه أو إذا رجع إلى من يحتاج إلى ما من الله عليه فعليه أن يدرس إخوانه ويجلس معهم ويعطيه ما أعطاه الله من ذلك النور. وفي الحقيقة هذا يعتبر زكاة العلم. زكاة العلم نشره. الشيخ العثيمين il avait 27 ans à cette époque-là où il rentre à l'Unayza. Il continue son tadris avec Cheikh Abd Rahman, mais là il commence à enseigner à 27 ans. 27 ans c'est jeune, je crois. 27 ans c'est jeune. فبعض الإخوة يعني عندهم حياء يستحيون عن التدريس وماذا ويمنعهم الحياء عن يفيدوا إخوانهم وهذا غلط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا لا يفلحان اثنتان من ومن مستكبر ايوه نعم مستكبر ومستحي مع ان الحياه كله خير كيف الجمع الحياه كله خير في حديث والان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ماذا لا يفلح اثنان المستحي والمستكبر. المستكبر معلوم والمستحي ايوه لان الحياء تمنعه من التفقه في الدين او من النشر فهذا غلط. و ماذا طالب العلم حقيقه يتصف بجميع اوصاف الرجال الرجوله والاقدام والشجاعه ما طالب العلم هو يعني من ورثة الأنبياء وهل ترون يعني نبيا من الأنبياء يخاف أو يستحي في الله لومة لائم حتى وإن كنت ربما تلحن في الكلام أو كلامك فيها شيء من الثقل قد يحصل هذا، لكن يا أخي الدعوة إلى الله لا ماذا لا يعدلها شيء أولا، وثانيا قد أوجبها عليك، لا سيما إذا كان في أسرتك من يحتاج إلى التفقه. فهذا الشيخ العثيمين لما رجع إلى بلده أو نعم إلى هذا المركز المعهد لعنيزة، درس عند شيخه ودرس، تمام نعم. ونحن صراحة نفرح بالإخوة الذين رجعوا إما من المدينة أو إما من مدينة أو بلاد القصيم أو إما من مصر، لأنهم يقيمون بهذا الأمر كما ينبغي، فجزاهم الله خيرا على ما يقومون، ونسأل الله أن يزيدنا انتفاعا بهم، يزيدنا انتفاعا بهم. والله يا إخوان لو نرى المسجد عامرا بالدروس، حلقة هنا حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا وحلقة فوق وتحت، نحن في خير يا إخوان. مسجد يعني حي من أصل إلى عقب، نعم. طيب دونك لو شيخ لا 27 ans il rentre في عنيزة، نعم. وكان مع ذلك منتسبا إلى كلية الشريعة، يذهب إلى الرياض لأداء الاختبار في نهاية كل سنة دراسية حتى انتهى الدراسة في الكلية. malgré que il prenait cours, malgré qu'il prenait cours, c'est son sœur Abdrahman Saadi. Et malgré qu'il enseignait dans le même endroit, il était quand même inscrit à l'université. Il était quand même inscrit à l'université dans madame la faculté Sharia, comment législation islamique, voilà. Ouais. Il était inscrit à la faculté de législation islamique. Donc il se rendait à Riyad uniquement pour accomplir les examens à chaque fin d'année scolaire, jusqu'à ce qu'il a terminé le cursus. وبعد افتتاح كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم انتقل من التدريس في المعهد إليها، واستمر في التدريس فيها إلى أن توفي عليه رحمة الله، نعم. Et donc ماذا après cette période là il y a une université qui est ouverte dans la région d'El Qassim, université reconnue dans tout le Mamlaka Al-Arabiya Al-An, faisant partie des meilleures universités. Taïb, Cheikh Al-Uthaymin, lorsqu'elle a ouvert, il est passé du Ma'had jusqu'à, où il a changé, il est passé du Ma'had jusqu'à cette Kulliya. Donc il a quitté la première école pour aller à l'université enseigner. Tamam. Et il n'a eu de cesse d'enseigner jusqu'à sa mort. Wada li haddi dhatihi fadlun ala hida. واحد عاش ودعا إلى الله إلى أن مات، فهذه فضيلة أن تدعو الله حتى يقبض روحك. Ça c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla qu'Allah lui a accordé, le fait qu'il ait pu faire da'wa, qu'il ait pu enseigner jusqu'à sa mort. Et en vérité, il n'y a pas un da'i, il n'y a pas un talib al-ilm qui souhaite ce genre de mort, ou ce genre de vie. Vivre da'iman ala al-ilm. Lil ilm wa ala al-ilm. Pour la science, soit tu la recherches, ou soit tu la donnes. Et là, antamut. Ça, c'est la meilleure des vies, Ikhwan. ولما توفي شيخه أو شيخه عبد الرحمن بن سعد عبد الرحمن بن ناصر السعدي سنة 1376 طيب طيب lorsque son cheikh عبد الرحمن بن سعدي il est mort en 1376 année égyrienne. Ça fait Cheikh Al-Uthaymeen, il avait quel âge quand son cheikh il est mort? Il avait 29 ans. Saint Ismail. Il avait 29 ans. Non. Tawalla al-imama wa al-khitaba wa al-tadris fi al-masjid al-jami' al-kabir bi'unayza wa istamarra ala dhalika hatta tawaffahu Allah Azza wa Jal. Donc, dès que son cheikh est mort, c'est lui qui a pris la relève en ce qui concerne l'imama. En ce qui concerne l'imama, ainsi que les khutab, khutba, jumu'ah. Ensuite, mada et l'enseignement. Quel âge il a, cheikh Al-Uthaymeen, fi hadha al-ba? Il a 29 ans. Il a 29 ans. Et il n'a pas lâché ça jusqu'à sa mort, il y a l'imama, ou le khitaba, ou le tadris. Subhanallah. 29 ans, c'est jeune, il y a quoi. Hein? 29 ans, c'est jeune. Mais hada huwa. Fa l'insan, il ne faut pas qu'il ait froid aux yeux. Ida a'tahu Allah shay min al-ilm wa wasala inda qawmin ma lahum shay. Ma lahum shay. فوجب حينئذ أن ينشر ما من الله عليه وما أعطاه انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لو أن الله يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا من قاله؟ لمن؟ لعلي بن أبي طالب. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit: Si Allah guide une personne par ta cause, c'est meilleur que la meilleure des montures. C'est meilleur que la meilleure des montures, le chameau rouge, le chameau de bœuf rouge, qui est parti. C'est l'une des bêtes les plus chères au monde, encore actuellement. À posséder. Une personne. Dans un khutbah, combien tu peux guider de personnes? Yani, à la hasab al-masjid. Lakin, déjà, si ton guide 10, anta faiz. Non. Falihada, ya ma'char al-tullab, la tabkhalu ala anfusikum. Il ne faut pas être avare envers vous-même. Donnez ce qu'Allah vous a donné et estimez-vous à votre juste valeur. Wallahi ya ikhwan, si vous ne vous estimez pas à votre juste valeur, c'est vous allez vous égarer. Celui, Allah a a'tahu al-Qur'an wa yara nafsahu kanahu andas min wahid farg ma lahu shay, la Qur'an wala sunnah, hada ma yastabshar bi khair. I'rif qadr nafsak ya ayyuha al-talib. Tu te dois de connaître la valeur de ton âme. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a honoré. Min bayna khalqi. Au milieu de combien de créatures? Et vraiment, celui qui ne connaît pas sa valeur, il va s'égarer. Tu vas le voir, il va. Ça va commencer vestimentairement parlant. Il ne connaît pas sa valeur. Il va s'apparencer à des gens. Dayi'i. Qalilan. Après, peut-être il va prendre de sa lahya. Waidabihi khalas. Yansarif tamam. Tandis que celui qui connaît sa valeur, là, il ne peut pas. A'tani الله عز وجل كذا وكذا وحفظت كذا وكذا وحفظت بقرة البقرة وآل عمران كيف لا يمنعه من الانصراف. C'est pour ça, chacun il doit connaître. Et ça, c'est pas de l'orgueil, c'est pas du tafakhur. Là. Mais c'est juste le fait de placer les choses à leur endroit. De placer les choses à leur endroit, et ça fait partie de la sagesse. Non. On a que ta fille, bien, avec le cadre. Jazakumullah khairan.